Il y a ça, c'est Saphir. Je suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Allez, ciao. Allô? Oui, c'est papa. Bon, dis-moi, hein, je suis tombé sur les feuilles là que tu as laissées là dans ta chambre qui traînaient comme d'habitude, hein, pour pas changer. Bon, dis-moi, j'ai lu un petit peu et puis bon, c'est intéressant. Hein, je trouve qu'il y a des idées, il y a pas mal de choses. Il y a un bon fond. Il y a bon maintenant. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Espérons que ça ira, espérons que ça plaise et que bon, tu t'en sortes un petit peu. Allez, bonne chance et puis bisous. Ciao.